t'aime. T'es gentil. Plus de 500 fromages de chez nous, à chacun son caractère. Une initiative de l'APACW. La première. Il est 16h. Votre journal, Pierre-Yves Meugens. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour à tous. Les Wallons disent non au CETA, le traité commercial avec l'Union Européenne et le Canada, voilà qui risque bien de bloquer le traité au niveau des pays membres. Pas un non définitif, dit Paul Magnette, un non pour renégocier, éclaircir certains points. En fait, le fédéral en Belgique doit recevoir les pleins pouvoirs des régions pour pouvoir signer cet accord. Le non wallon a provoqué la colère des libéraux dans l'opposition au niveau wallon. Vous allez transformer la Wallonie en Cuba de l'Europe, annonçait une députée du mouvement réformateur. Vous allez donc transformer la Wallonie en Cuba de l'Europe, sont les mots de la députée de Franck Firquet. Depuis 11h ce matin, c'est reparti. Les principaux ministres du gouvernement fédéral sont à nouveau réunis aux 16 rue de la Loi autour du Premier ministre Charles Michel. Ils reparlent budget, mais aussi réforme. L'Europe leur a donné deux jours de plus pour aboutir, pour l'essentiel, sur la copie budgétaire de la Belgique. Et honnêtement, ils ne peuvent plus en sortir sans résultat. Fabien Manekout. Serait-ce la bonne à cette question difficile déjà de répondre? Le seul progrès notable pour le moment, c'est que oui, ils se voient tous les vice-premiers dans la même pièce, ce qui, hormis la séance au Parlement d'hier, n'était plus arrivé depuis mardi soir. Un changement notable, une certaine volonté de discrétion, pas de grandes déclarations à l'entrée. Certains ont fait comprendre que le temps n'était plus au bavardage, ni aux attaques, on travaille. Retour donc à l'apaisement voulu hier par le Premier ministre. Pour le reste, on ne voit pas encore ce qui aurait changé sur le fond. Les tensions demeurent et les grands écarts entre les projets de réforme défendus par les uns ou les autres, réforme de l'impôt des sociétés défendue par libéraux et NVA, instauration d'une taxe sur les plus-values voulue par le CDNV, stimulation de l'épargne vers l'investissement à coup d'incitants fiscaux avancés par l'OpenVLD. Il se dit que le Premier ministre a mis une nouvelle proposition de compromis sur la table. Selon l'un des invités à table, cela passe ou ça casse, les prochaines heures le diront. La Russie n'attend rien de spécial de la réunion sur la Syrie qui doit se tenir demain à Lausanne en Suisse. Selon le ministre russe des Affaires étrangères, Moscou n'a pas l'intention de faire de nouvelles propositions pour tenter de résoudre le conflit. Le chef de la diplomatie russe retrouvera aussi son homologue américain demain, John Kerry, et des représentants du Proche-Orient qui soutiennent les rebelles comme la Turquie, l'Arabie Saoudite ou encore le Qatar. David Goffin s'est incliné face à Andy Murray tout à l'heure en quart de finale au tournoi de Shanghai. On parle bien de tennis. Élimination en 2-7 pour le Liégeois. 6-2, 6-2. En demi-finale, Murray affrontera le vainqueur du duel entre Simon et Sock. Le décès de Pierre Etex à l'âge de 87 ans. Pierre Etex était artiste comique, scénariste, réalisateur de cinéma, dessinateur, affichiste. Il avait notamment été l'un des collaborateurs de Jacques Tati dans les années 50 et 60. Mais c'est surtout sa passion du cirque qui aura marqué l'ensemble de son œuvre. Il était l'époux d'Annie Fratellini, avec qui il avait monté un duo de clowns avant de fonder en France l'École nationale de cirque. Pascal Goffaud l'avait rencontré lors d'une exposition à Tournai. J'ai envie de faire du cirque le jour où je suis entré dans un cirque. J'avais 5 ans et je n'ai jamais changé d'avis. Donc, je veux dire que c'est absolument comme ce qu'on peut appeler une vocation. Et comme en plus je n'appartenais pas à une famille de cirque, j'ai eu beaucoup de mal à y faire mes premières armes. Mais j'ai fait du cinéma ensuite. Et je suis revenu au cirque beaucoup plus tard pour fonder l'école avec Annie et pour faire une entrée clownesque avec elle. Et je crois que plus on a intellectualisé le cirque et plus on l'a détourné de sa mission, de sa fonction profonde. Le cirque est le spectacle par excellence universel et pour lequel on n'a pas besoin d'avoir une culture particulière. Le cirque, ça ne s'explique pas. Tout s'explique au cirque pour qui le pratique. Mais pour le spectateur, il ne faut pas lui gâcher son plaisir. C'est un peu comme un magicien qui montrerait ses trucs avant de travailler. Les mots de Pierre Etex qui nous a quittés donc aujourd'hui à l'âge de 87 ans. Voilà qui referme ce journal. Belle fin de journée. Toute l'info est sur rtbf.be. 16h04 sur la première. Je vous laisse avec Walid et toute sa bande. Merci Pierre-Yves, retour de l'information tout à l'heure à 16h30. D'ici là, oui, nous sommes presque sérieux, soyez les bienvenus. Vous avez entendu parler de Monde Positif ? Ce n'est pas un mouvement citoyen, mais une initiative citoyenne de Troc.com à l'occasion de la semaine de la seconde main. Mondepositif.be. C'est presque sérieux sur la première. Walid jusqu'à 17h30. Si vous deviez vous faire assurer quelque chose parce que vous dites c'est vital, si je le perds c'est fini, ce serait quoi? C'est vous. Merci à vous, Walid. Les gens doivent savoir à quel point vous êtes formidable. Et vous tenez debout malgré les épreuves, malgré le vent. Vous êtes immortel, Walid. Bravo, et on vous aime. Bravo, Jordi. Walid, bravo. Effectivement, très très atteinte pendant longtemps. D'ailleurs, je ne sais pas si je suis complètement. Si tout ça est complètement réglé, finalement, je parlais du fait d'être atteinte. Oui. Ça, c'est pas tout à fait fini, je pense. Ouais. Mais bon, ça, en même temps, est-ce que mes oreilles ont un rapport avec ça? Je n'en suis pas sûre. En même temps, vous êtes au bon endroit. J'ai l'impression. Vous atterrissez dans des baroques avec Rick Allison, qui est prêt à vous suivre comme un fou, comme un soldat. D'ailleurs, il disait de vous, Allison, c'est ma copine à moi. Comme Chantal Goya, vous n'avez pas de mal à joindre les deux bouts. Vous vous offrez. Vous êtes contrainte à la pause, et pour cause, vous attendez un enfant, ce qu'on appelle avoir un pulicino dans le tiroir. Le service de radiodiffusion télévision belge de langue française vous propose... Ils ne savent plus. Un feuilleton radiophonique de Martial Poivre et Pièvre Froidure, alias Froid-Froid. Et croyez-moi que si même j'étais ministre, ce problème serait réglé depuis longtemps. Ah oui, et comment vous feriez? Je donnerais 48 heures aux entrepreneurs pour tout régler dans tout le monde du trou. Non, c'est sinon tout le monde d'autre. 40 ans de métier quand même. Voilà. Ce tunnel bouché nous rappelle les pires heures de notre histoire et exhale un parfum nauséabond des années 30. Jean Moulin se retourne dans sa tombe. Ah oui, joli, touché, magnifique. Enfin, l'allusion aux années 30 que nous attendons tous et qui vous permet, mon cher Géry, d'accéder à notre grande finale avec cette fois un sujet imposé. Vous êtes prêts? Oui. Le sujet du jour, la météo pourrie, la pluie, on vous écoute. Cette météo nous rappelle les pires heures de notre histoire. Et exhale un parfum nauséabond d'années 30. Jean Moulin se retourne dans sa tombe. Et voilà, Géry, champion du monde. Yes, ça fait du bien de temps en temps, le goût de la victoire, Wally. Des pesticides retrouvés dans des mousselines non bio. Un scandale qui nous rappelle les pires heures de notre histoire. Vous avez oublié. Jean Moulin. Oh non, quand même. La première. 16h-17h30, c'est presque sérieux, avec Walid. Alors demain 15 octobre, ce sera une journée un peu spéciale, oui. La journée mondiale du lavage des mains. Ah, eh oui. Il était temps. C'est vrai que pour ceux qui ne se lavent jamais, c'est intéressant. Alors les candidats réfugiés syriens envoient leurs bons voeux aux décideurs européens. Voilà, on s'en lave les mains, nous, monsieur Van Damme. Ah, on veut rien savoir. Et quand il faut passer un savon, ils s'en frottent les mains. Ils n'hésitent jamais à toiletter l'actualité pour confirmer l'adage qui dit que le rire, eh bien, c'est le propre de l'homme. Voici votre brigade d'hygiène rieuse. C'est notre monsieur Paume Suite Paume. Ah oui, les poils, il en a partout, sauf dans la main. C'est Manu Di Pietro, bonjour. Non, ça met rien. Ouais. C'est pas sûr. Tiens, il ne faut pas la pousser beaucoup pour qu'elle mousse. C'est Cynthia Isarelli, bonjour. Pousse-mousse, c'est moi. Eh oui, pour arrondir ses fins de mois, il lui arrive de vendre ses humeurs sur secondemain.be. C'est Florence Mendez, bonjour. Bonjour. Ça va bien, Florence? Très bien, merci. Tiens, les critiques, il s'en lave les mains. C'est notre petit ponce pirate, Vincent Flibustier, bonjour. Et puis lui, c'est plus fort que lui. Ouais, c'est plus fort que lui pour faire le nettoyage, il dégaine. C'est notre clean Eastwood à nous. C'est Raoul Reyers, bonjour. Clean Eastwood, c'est intéressant. C'est bien ça. Hein. Mais oui, c'est pas mal. Une société de nettoyage qu'on appellerait comme ça. Oui, et bien de chez Clean Eastwood. Et je connais aussi deux petits mecs qui ont ouvert une société pour délagage. Oui. Ils s'appellent les Toubitri. Et du coup, je les ai engagés. C'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Ils sont très mauvais. Voilà, tiens. On est très attachés à elle au point de lui passer régulièrement les menottes. C'est celle qui a préparé cette émission pour vous à Jarboulèche. Et puis lui, il n'hésite jamais à mettre les mains dans le cambouis pour en sortir un son très propre. C'est Vincent Van Der Venet qui réalise cette émission ce vendredi 14 octobre. Où que vous soyez, merci à vous d'être comme nos chroniqueurs du jour presque sérieux. Vous le savez, l'actualité, ce sont eux qui la font. Et c'est avec vous que nous en rayons. Bienvenue sur la première. C'est presque sérieux. Sur la première. Et au menu de 7h30, une émission un peu spéciale, un peu modifiée avec un invité. Et je me fais déjà une joie de le recevoir. On parlera de quelque chose de très sérieux. Le génocide rwandais avec notre invité Corneille qui sort son autobiographie, Là où le soleil disparaît. Donc ne vous attendez pas à ce que ça déconne tout le temps aujourd'hui. Ou presque, Mais c'est une manière pour nous aussi de vous montrer que de temps en temps, on peut être sérieux. Il faut aussi savoir donner le contrepoint. Voilà, et on aura l'occasion de parler aujourd'hui de la politique. La politique, c'est LOL. C'est le titre du... J'aime les grosses punchlines. Voilà, de la punchline, le titre de la chronique de Manu Di Pietro. On parlera des militaires qui se baladent dans nos rues avec Florence Mendes, ce sera dans un instant. Et puis, Cynthia Izarali, avec notre invité, sortira son petit ukulélé pour nous entonner une petite chanson sur Béziers et ses fameux posters qui fleurissent un peu partout. On ne jouera donc pas au qui a dit aujourd'hui. Mais, j'offre tous les 17 SMS. J'offre tous les 17 SMS une clé USB. Fabuleux. Ah bah voilà, tous les 17 SMS. Et si on accède... Attention, attendez, il offre des clés USB qu'il n'a pas. Hein. Oui, non, mais une clé USB. Et alors le 117e, il repartira avec, aux éditions Racine, Bruxelles Art Nouveau par Cécile Dubois, et on lui offrira également deux entrées à l'exposition 21 rue La Boétie, à voir donc à la Beauvrie à Liège. Donc faites-vous plaisir, vous envoyez simplement CPS au 6031 avec vos coordonnées complètes, forcément nom, prénom et adresse. Chaque 17e SMS, eh bien, vous repartirez avec une clé USB. On peut jouer ? Ouais, tout le monde peut jouer. Et là, le 117e va quand même demander une clé USB. Bah, il leur rend plus. Voilà, et on s'arrêtera au 117e. Pas plus. Voilà, comme ça tout le monde est... Oui, c'est... Voilà. Il n'y aura pas de caddie aujourd'hui, donc voilà. En attendant, que s'est-il passé dans l'actualité ? Voici la une du jour en chiffres. Faisons tourner cette fameuse roue. Ouais, la roue des chiffres et des chiffres. Elle s'arrêtera sur un numéro, à vous de déterminer de quelle actualité il s'agit. Attention, place à la roue et cette voix qui va vous susurrer à l'oreille. Il y a ce petit numéro. Numéro qui correspond donc à une actualité. Alors... Premier chiffre. 222. C'est fascinant. Ça. 222, c'est une grande roue. On l'a fait tourner longtemps. 222, à votre avis, est-ce que vous avez lu une info en rapport avec ce chiffre? 222. C'est 222 et c'est tout. C'est 222, non, je peux vous donner d'autres. 222. Il y a 81 000. 222, voilà les flics? Non. 222 soldats à Bruxelles? Non. Ou des études à Harvard de Peter de Crème? Non, plus. 222 euros. 1000, 1000. Place pour Coldplay. Nombre de gens. Le prix de la place pour Coldplay? Oui, pour deux, par exemple. Non. Nombre de gens qui n'ont pas eu leur place pour Coldplay? Alors, plus que ça, non? Je vais vous dire, je peux vous donner un indice en musique, tiens. Écoutez l'indice que voici qui pourra peut-être vous mettre sur la voie. On parle de 222, Chine. On ne parle pas de Chine, ni d'Indochine. On parle de la Lune. 222 places réservées pour la navette sur la Lune de Bronson. C'est son lifting, non? C'est son lifting, effectivement. Tous les 81 000 ans. Tous les 81 000 ans, il y a une sorte de lifting de la Lune, bombardée par les comètes, les astéroïdes et leurs nombreux fragments. Bien, la surface de la Lune s'offre bien malgré elle. Un nouveau lifting, et c'est cette étude qui est sortie aujourd'hui, et avec ces images que vous pouvez voir un peu partout sur les réseaux sociaux, on s'en privera pas d'ailleurs pour mettre une photo de la Lune sur la page Facebook de l'émission, le avant et après. On fera ça après l'émission. Ils ont recensé 222 nouveaux cratères, et ils en ont déduit donc environ 180 cratères d'au moins 10 mètres de diamètre se formaient chaque année sur la Lune, soit un tiers de plus que ne le prévoyaient les modèles jusqu'à présent. Donc voilà, vous verrez la Lune autrement aujourd'hui, je pense. Ça nous changera. Deuxième chiffre, on fait tourner ces trous dans ce petit jeu d'actualité avec des chiffres et des chiffres. Mais de quels chiffres s'agit-il de ce jeu? Des chiffres et des chiffres, c'est parti. Voyelle. Consonne. 480. Alors, est-ce que vous avez... lu une info avec ce titre, 480 chiffres. Un nombre de personnes? Un nombre de personnes, non. Est-ce que c'est les cratères sur Mars? Non, ce n'est pas les cratères sur Mars. La non. Totalité des vols en avion de Peter de Crème cette année. Non. C'est que mange Raoul en viande en kilos par semaine. Non plus. Le nombre d'écoliers encore sans école. Non, d'écoliers sans école, non, pas 480. Écoutez l'indice également sonore que je vous propose. Alors, vous connaissez tous Grand Corps Malade. Mais c'est dans le nombre titre. De fractures qu'il a eu après son accident. Non. Il faut voir dans le titre. L'indice est dans le titre. Les voyages en train. C'est le train. Le nombre de retards en train qui a eu cette. Alors 480, c'est quoi? Minutes. Retard. Non, pas minutes. Heure. Non plus. Jour. Non, c'est semaine. Non, non. Nombre de trains. Non, c'est quelque chose qui va être possible chez pas mal de jeunes. En tout cas, c'est une idée qui. Ah oui, le. Le passe à 480 euros. Oui, c'est ça. Le passe Interrail. Le passe Interrail, effectivement. Qui coûte donc 480 euros. Et la Commission européenne s'est réunie cette semaine en session plénière pour discuter de ce projet de transport en train gratuit pour les jeunes européens. La Commission européenne s'inquiète de la montée de l'euroscepticisme en Europe. Et par contre, le phénomène chez les jeunes est inverse. Elle se dit prête à examiner une possibilité d'un pass Interrail gratuit. Ça coûte 480 euros, mais aujourd'hui, on peut vous proposer de voyager à moindre coût si vous avez moins de 25 ans. Et cela, dans toute l'Europe, un projet audacieux. Mais, on verra un petit peu ce qui se passe. Dites Walid. Oui. Je trouve ça assez impoli, ce type qui parle derrière. Mais il a une très belle voix, j'adore. Tout ça pour dire ça. J'ai toujours voulu faire Grand Corps Malade. J'étais dans un train. Je m'entraînais à faire ou Sarkozy ou Grand Corps Malade. Voyage en train, nous sommes presque sérieux. J'adore faire ça. On fait tourner une dernière fois ces trous avec ce chiffre. Écoutez le chiffre. Un des chiffres du jour que nous avons retenu pour vous dans l'actualité de ce vendredi 14 octobre. Ça va être terrible, ça. Deux. Ah. Tout ça pour le 2. Elle a fait 3 tours. Alors, et ça... Et c'est 2 tout court. Une personne, oui, c'est 2 tout court. Et il y a autour de cette table une personne qui est plus concernée que nous. C'est Raoul, oui. 2. Alors, les lunettes. Non, c'est pas lunettes, non. Le nombre d'années de pension qu'il va toucher réellement. Non, pas 2. Alors, je vous aide, c'est une maladie. Ah, le diabète. Le diabète de type 2. Alors, qu'est-ce qu'il y a Une personne sur 2 a un risque d'avoir le diabète avant 45 ans. Effectivement. Et il y a surtout énormément de gens qui ne savent pas qu'ils ont le diabète. Effectivement, les plus de 45 ans auraient une chance donc sur 2 de développer un diabète de type 2 avec les Belges qui sont âgés de 45 ans auraient donc une chance sur 2 de développer un diabète d'ici 10 ans selon cette étude publiée cette semaine par Eurogeneric. Une alimentation saine et une pratique donc régulière du sport permettent de réduire ce risque. Hein. On peut voir Eurogeneric qui fabrique des médicaments qui combattent le diabète de type 2. Mais bien sûr. Mais donc voilà, quand même le souligner. L'un ne va pas sans l'autre. Alors, ils sont quelques 15 380 Belges qui ont participé au test sur leur site. Plus de 350 millions de cas de diabète sont aujourd'hui recensés dans le monde et ce nombre devrait donc doubler d'ici 20 ans. C'est ce que précise donc Eurogeneric qui fabrique donc en même temps des médicaments qui et lutte contre le diabète. D'ici 2030, le diabète sera la 7e cause de décès dans le monde. Un Belge sur 12 souffre actuellement de diabète. Réjouissons-nous, tous nos enfants seront bientôt diabétiques. Ou ou cancéreux. Oui, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a le choix. On se dit, bon, de toute façon, tu vas mourir de quoi? Certainement pas de vieillesse. Au choix. C'est vraiment à la carte. Tiens, dans la suite, on s'intéresse à l'actualité vue et corrigée par Florence Mendes. On parlera de quoi dans un instant avec vous, Florence? Écoutez, des militaires qui sont toujours parmi nous. Ah ouais, ça vous fait plaisir, ça. Dès qu'il y a un costume, dès que ça réveille en elle l'envie de rire de l'actualité. Eh bien, on va en parler dans un instant avec vous et puis dans quelques minutes, il sera avec nous. Là où le soleil disparaît, l'autobiographie de Corneille aux éditions XO. Eh bien, on parlera avec lui presque sérieusement, voire même très sérieusement, de ce qu'il a pu vivre lors de ce génocide au Rwanda en 1994. Merci à vous en tout cas d'écouter la première, merci à vous d'être presque sérieux. Florence Mendes, on parle des militaires et c'est avec vous tout de suite. J'aime l'odeur du napalm, mon petit matin. C'est presque sérieux sur la première. Avec Walid. En octobre, bon repos, comblez toutes vos envies. Alors, vous êtes plutôt du style lève-tôt, grasse mat, sieste, dans un lit bien douillet? Un canapé-lit ou un relax, dans des draps soyeux sous une bonne couette, le tout rangé dans un beau dressing. Profitez maintenant de 18% de remise au Bon Repos. 18% pour combler toutes vos envies et créer votre propre style. Aubonrepos.be, place de la Chapelle à Bruxelles, à deux pas du Sablon. Parking privé. Ouvert ce dimanche de 10h30 à 17h30. Dans un monde qui change, les bons comptes font les bons couples. Et vous, vous l'utilisez quand, votre carte de crédit? Nous, on n'en a pas. Heureusement, parce qu'elle a déjà assez de chaussures. Ah, ma carte de crédit, jamais. Ah, par contre, la sienne. Comment ça? Surtout en vacances. Ah, à propos de vacances, tu devais pas m'inviter à Venise? C'est vrai. Maintenant, il y a une solution simple et flexible pour gérer votre argent à deux. Découvrez le Confort Pack. Seulement 2,60€ par mois, carte de crédit incluse, sous réserve d'acceptation de votre demande. BNP Paribas Fortis. La banque d'un monde qui change. Kamasutra leçon 13. Grâce au label énergétique, vous choisissez en un clin d'œil la chaudière au mazout la plus économe. Plus d'infos sur informazout.be. Hip hip hip, c'est moi! Vous allez être émerveillés par les offres de génie dans tous les rayons de votre hypermarché Carrefour. Jusqu'à demain, à l'achat d'un persil lessive liquide 36 doses au choix, recevez, bam, le deuxième gratuit! C'est du jamais vu! Dépêchez-vous d'en profiter avant qu'il n'y en ait plus! Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. Le Mercedes Sprinter Perfect Tool, le choix des pros. Alors là, son équipement est super complet! Ah ouais, ça c'est tout le confort Mercedes, hein? Je peux compter sur lui tous les jours. Et ajoutons à cela une offre unique, réservée aux pros. Un Mercedes Sprinter Perfect Tool pour un prix tout compris de 389€ par mois hors TVA avec un taux d'intérêt de 0% et entretien complet compris. Attention, offre limitée. Infos et conditions sur myperfectvan.be. Vans, born to run. La première. Mobile Info. C'est l'heure de retrouver Fanny Gillard qui vous dit ce qu'il se passe sur vos routes en ce vendredi 14 octobre, Fanny. Oui, bah écoutez, on a des ralentissements dans le chantier habituel, vous le savez, chantier E40 Bruxelles, Aix-la-Chapelle à hauteur de Cherat. C'est en direction de l'Allemagne que ça coince à partir de Millemort, vous perdez un quart d'heure. Ça coince également dans le centre de la capitale du tunnel Rogier au tunnel Arlois vers le midi, dans le tunnel Madou jusqu'au tunnel Léopold II vers la Basilique. Attention à cette camionnette en panne sur le ring de la capitale en circulation intérieure à hauteur de Wautier-Bren, passage assez compliqué dans la Bretagne. De sortie vers Anderlecht. Et qu'est-ce que ça dit au niveau des temps de parcours sur le ring? Eh bien, le tronçon extérieur Zaventem Grand Bigard, vous perdez 20 minutes. En intérieur, dans l'autre sens, Grand Bigard Zaventem 10 minutes. Et puis, forcément, pour quitter Bruxelles, ça ralentit sur le 314 vers Lumen et sur le 429 vers Tournai. You make me smile. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. Sur la route, signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. La première avec Walid, c'est presque sérieux. Ils sont presque sérieux, Cindy Isarelli, Manu Di Pietro, Vincent Flibussier, Raoul Reyers, Florence Mendes. On s'intéresse à vous dans un instant. Le temps pour moi de rappeler à nos auditeurs qu'aujourd'hui, exceptionnellement, pas de qui a dit, on démarrera à 16h30, juste derrière les informations de 16h30, directement avec Corneille, presque sérieusement, autour de son histoire, là où le soleil disparaît, son autobiographie. On en parlera avec lui dans un instant. Le temps pour nous, je le disais, de nous intéresser à l'actualité de ce vendredi 14 octobre, avec Daesh qui menace à nouveau la Belgique, mais heureusement, les militaires sont toujours dans les rues. Et c'est Florence Mendes qui nous en parle. Et oui, les amis, c'est reparti pour un tour. Ces gros consanguins chez Daesh ont, dans un communiqué, incité leurs soldats à frapper une nouvelle fois la Belgique. Bon, ceci dit, moi, la consanguinité, j'ai rien contre. Se reproduire en famille présente un avantage certain. Un arbre généalogique en forme de cercle, c'est quand même beaucoup plus facile à tracer. Bon, allez, revenons-en aux choses sérieuses. Nous ne sommes plus en sécurité nulle part. Scarbeek, Molenbeek, on recommence. Souvenez-vous, il y a quelques mois, des perquisitions avaient même eu lieu à Uccle. C'est sûr, ça leur avait fait un choc aux habitants. Mais Hubert, tu entends des terroristes à Uccle? Mais c'est affreux, j'ai l'impression d'habiter forêt. Bon alors, remarquez, il faut quand même être sacrément con pour planifier un attentat dans le métro à Uccle, mais enfin, soit. Bon alors, évidemment, ça fait peur. Hein. Inutile de céder à la panique cependant. Les militaires veillent toujours, puisqu'ils n'ont pas quitté nos rues comme ils auraient dû le faire le 2 octobre passé. Je dis ça, mais moi je les vois pas, j'habite Boisfort, c'est quand même la seule commune de Bruxelles où le camouflage est efficace. Trêve de plaisanterie, l'opération Vigilant Guardian a débuté fin novembre 2015, et il faut bien admettre qu'elle n'en finit pas, un peu comme Michael Schumacher. Oh non. Bon, alors ce qui est marrant, c'est que cette opération s'inspire d'une autre opération française, elle, baptisée Sentinelle, qui a été mise en place après les attentats de janvier, mais avant ceux de Paris, de Nice, de Magnanville et de Saint-Étienne-du-Rouvray. Devant tant d'efficacité, on ne peut que comprendre l'empressement du gouvernement belge à déployer à son tour l'armée dans les rues de Bruxelles, avec à peu près les mêmes résultats, puisque le 22 mars, nous connaissions notre premier attentat depuis l'attaque du musée juif et la naissance de Laurent Louis. Bon non, allez, je vous vois venir avec vos gros sabots, bande de hippies. les militaires sont inefficaces pour lutter contre le terrorisme et blablabla. Alors moi, on m'ôtera pas de l'idée que si ce jour-là, dans la rame de métro bondée à Malbec, un militaire avait tiré avec sa M16 sur ce gros margoulin, on aurait bien sauvé des vies. Bon, d'ailleurs, à ce sujet, pour discuter de l'efficacité d'être protégé par des hommes armés, on avait invité Charb de Charlie Hebdo, mais il a eu un empêchement. Bon, allez, terminons quand même avec un chiffre. Un récent sondage montre que 65% des Belges sont favorables à la présence des militaires en rue. Un chiffre qui met en lumière le goût des Belges pour les fausses solutions, ce qui explique peut-être le succès du Parti Socialiste en Wallonie. Florence Mendes qui revoit donc avec sa petite plume tachée de... Vous avez même l'humour noir, vous. Hein. Ma petite plume sale. Ouais, c'est ça. Florence. Et c'est vrai, il y en a, parce que moi je n'en vois jamais. À part une fois devant la VRT, il y avait un petit camion vert là avec deux militaires, mais sinon je ne les vois jamais. Ça, c'est moi, je les vois le patron qui part à la chasse. Moi je les vois sur l'autoroute, moi. Après, je les croise sur l'autoroute. Ouais, ils roulent du 25 à l'heure. Et alors, j'ai toujours, je me dis... Alors, ils vous regardent comme ça, bizarrement. Ils sont tous avec leur téléphone. Ils ont l'air de se faire chier. Mais ils n'ont pas l'air de se faire chier. Ils se font chier. Et on pourra dire maintenant, pensez à nos SDF. L'hiver approche. Pensez aussi à nos militaires qui sont dehors toute la journée. On pense à nos militaires et on les embrasse. Ils sont beaucoup à les écouter. Raoul Reyers, tiens, on va vous écouter justement. C'est à vous. Ça fait du bien. Avant de recevoir Corneille, aujourd'hui, Raoul, vous avez repéré pour nous l'une ou l'autre chose sur l'Internet. Et vous parliez du diabète, là, et oui. On dirait que l'engouement McDo perd un peu les plumes, parce que j'ai vu l'autre jour une vidéo où on pouvait voir un gros garçon faire la file au McDo, et arrive deux femmes qui commencent à exprimer leur dégoût pour ce gros garçon, et qui l'agressent vraiment. « Tu ne devrais pas être ici, tu es assez gros comme ça !» Et alors les autres mangeurs du fast-food commencent à mâcher plus lentement, là, parce qu'ils sont intéressés. Et puis le ton monte, un homme arrive et dit « Comment osez-vous ? Vous n'avez pas le droit de traiter ce garçon comme ça. » Et puis il arrose une des bonnes femmes avec du liquide sucré, créateur de diabétique, vous voyez ce qu'il prend là. Et donc c'est à ce moment-là qu'on apprend que c'est une expérience sociale. Ah oui, oui, c'est une petite caméra cachée, elle a de plus en plus aujourd'hui. Conscience au danger de la malbouffe. Plus jamais, moi, je n'irai au McDo. Oui. Pourquoi pour, parce que vous avez peur de, qu'on sache votre chemise. Mais non, c'est moi qui me ferai repérer dans la file. L'expérience sociale, c'était le petit garçon qui était dans le coup ou la femme qui est venue l'insulter? La femme qui était la femme. Ah d'accord, hein. Okay. Voir comment les gens vont réagir si par rapport à... Si ça se met, le gros garçon était dans le coup aussi. Oui, il a reçu un ticket. Hein, gratuit. J'ai encore une petite info qui n'est pas inintéressante. Donc, c'est un accident un peu banal. C'est deux petits gamins qui promènent leur grand-mère en fauteuil roulant. Malheureusement, ils sont inattentifs, ils lâchent la... dans une pente. Ils lâchent le fauteuil dans une pente et la grand-mère tombe dans la rivière. Non. Et je vous rassure... La chaise n'a rien. La chaise n'a rien. Mais la grand-mère sèche encore. Non, si, je vous jure, c'est vrai. C'est terrible. Ça, ça se passe où exactement? Ça se passe au bord de l'île, c'est à Rennes. Ah, l'île, ouais, bah. C'est la rivière qui passe à Rennes. Ah ok, d'accord. L'île est à Rennes, c'est compliqué. Sachez-le. L'île est à Rennes. Merci Raoul pour cette histoire. Prie, dites. Alors, on a des images en tête maintenant. Tiens, il en a des images justement qu'il a mis sur papier. Corneille, là où le soleil disparaît, son autobiographie. On en parle... sérieusement, ouais, parce qu'on avait envie de faire un truc un peu différent aujourd'hui. Alors, pas de qui a dit, par contre, je le répète, vous inscrivez simplement en envoyant CPS au 6031 avec vos coordonnées complètes, nom, prénom et adresse, et tous les 17 SMS, il y a des clés USB qui tombent. Et le 117e, eh bien, il repartira avec, Bruxelles Art Nouveau par Cécile Dubois aux éditions Racine, et deux entrées à l'exposition 21 rue La Boétie. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire, CPS au 6031 avec vos coordonnées complètes, nom, prénom et adresse, on s'informe à 16h30, et notre invité Corneille sera presque sérieux dans quelques minutes. À tout de suite. Ça se passe sur la première. 17h30, 19h30. Deux heures d'infos pour bien terminer votre journée. Actu disséquée, découverte, polémique et brassage d'idées. Avec Arnaud Reusson, 17h30, 19h30, c'est soit première. Et 24h sur 24 sur rtbf.be/ovio. La première présente le concert 100% Sounds for Research en faveur de la recherche contre la leucémie. Avec Puggy, Les Innocents, Cocoon, La Grande Sophie, Musti, Soul, Nicolas Testa, Hollywood Porn Stars et d'autres surprises. Le 27 octobre à la Madeleine à Bruxelles, en présence de Virginie Efira et François Damiens. Info et tickets, concert100%.be. Profitez-vous aussi du meilleur du gaz. Devenez client. Surfez sur primagaz.be pour un avantage de 200€ et l'installation gratuite de votre citerne. Primagaz, le meilleur du gaz, là où vous le voulez. Pendant les Audi Days, tout est époustouflant. Les conditions sur l'Audi Q5 sont époustouflantes. Sa puissance tranquille et son confort sont époustouflants. Époustouflant aussi, la technologie IEA. Irrésistible, envie d'aventure. Pendant les Audi Days, profitez des conditions sur toute la gamme jusqu'au 22 octobre. Comme l'Audi Q5 super équipé à partir de 37 500 € et 50% de remise sur la transmission Quattro. Infos et conditions sur Audi.be et chez votre distributeur Audi. Vous vous rappelez la première fois que vous avez pris l'autoroute seule, coincé à 70 entre deux gigantesques camions? C'est alors que vous avez pris une profonde respiration. Passez la troisième en faisant craquer la boîte. Changez de filet, laissez les camions dans le rétro. Vitres et radio ouvertes à fond, moteur en sur-régime. Vous avez respiré le vent de la liberté et probablement quelques émanations de diesel. Vous voulez à nouveau ressentir la satisfaction de prendre votre destin en main? Alors vous devriez investir chez Bing. Parce que chez Bing, c'est vous qui décidez seul de ce que vous faites de votre argent. Bing, parce que c'est votre argent. Une concession automobile qui offre 3 ans de garantie et lave gratuitement votre voiture? Non, vous ne rêvez pas. Chez Land Rover Dragon Boss, à l'achat d'une Land Rover de stock, vous recevez 3 ans de garantie, plus 3 ans de carrelage gratuit. Découvrez notre vaste assortiment de modèles en stock chez Land Rover Dragon Boss. Offre valable également chez Land Rover Brussels à Zaventem et Waterloo. La première et la une présente Autumn by Audi, le nouvel événement de Culinaria. Du 18 au 30 octobre, plus de 50 chefs belges, artisans et barmen seront à l'honneur dans 3 univers totalement food. Le Mercato Lef, le Food Market des chefs, le restaurant gastronomique San Pellegrino et le Club Perrier dédié aux cocktails. Info Autumn, A-U-T-U-M-N point Brussels. La première. 16h30. Vous informer, Pierre-Yves Meugens. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour. Ce matin, coup de tonnerre au Parlement wallon. Les députés ont voté contre le CETA. Ils n'accordent pas les pleins pouvoirs au fédéral pour le ratifier. Les fédérations patronales de Belgique dénoncent ce vote négatif et appellent les pouvoirs publics à la concertation. Les organisations patronales soulignent l'importance du Canada et des exportations, dénoncent une atteinte aussi à l'image internationale et à la crédibilité de la Belgique envers ses partenaires canadiens, européens et internationaux. L'assaut contre la ville de Mossoul serait imminent, selon une source turque. Mossoul, c'est la dernière grande ville irakienne aux mains des djihadistes du groupe terroriste État islamique. Des combattants arabes sunnites qu'Ankara prépare et entraîne depuis des mois dans un camp militaire du nord du pays participeront à la assaut qui vise à chasser les djihadistes de cette ville. On reparle du budget fédéral. Tous les vice-premiers sont autour de Charles Michel en réunion aujourd'hui au 16 rue de la Loi. L'idée, c'est d'arriver à un accord global sur les réformes et sur le budget. On sait que le CDNV est très demandeur d'une taxe sur les plus-values. L'occasion d'en débattre dans Soir Première. Taxer les plus-values, mesure crédible ou trophée symbolique. On en parle avec Étienne de Calataille dans Soir Première vers 17h40. Merci Pierre-Yves, retour dans l'information tout à l'heure à 17h avec Diane Burgel-Vernet. Et la fête continue ! Nous sommes presque sérieux et il est tout autant, il vient nous présenter là où le soleil disparaît pour vous remettre un petit peu corneille dans les oreilles, c'est ceci. Alors on vit chaque jour comme le dernier, et vous feriez pareil si seulement. Corneille est presque sérieux, ravi de vous accueillir Corneille, bienvenue en Belgique. Merci. Alors vous venez de publier ce récit bouleversant de l'horreur justement que vous avez vécu depuis très jeune avec ce génocide rwandais et sur le miracle de votre survie. Alors en règle générale, on donne à l'invité une minute pour nous donner envie de lire le livre et je ne vais pas vous la donner cette minute parce que je vais encourager tout le monde à le lire. Je vous en remercie. J'aurais vraiment pas pu déjà, je ne serais pas arrivé. Parce que voilà, c'est vif, c'est brûlant, c'est poignant, c'est vous à nu. Ouais, c'est tout à fait ça. Alors, parlez-nous un peu de ce livre où j'ai d'abord envie de commencer par une phrase, puisque c'est une phrase qui m'a marqué. De toutes les rencontres d'une vie, il y en a une qui me semble plus importante que les autres à mon sens, puisque la santé de toutes les autres en dépend, et c'est la plus capricieuse, la rencontre avec soi-même. Ouais. Vous vous êtes retrouvé en écrivant ce bouquin ? J'ai trouvé en tout cas une grande partie qui me manquait. Je ne sais pas si on finit par se trouver un jour complètement d'ailleurs. Je ne sais pas si on arrive à atteindre cette finalité. Là, je pense qu'on C'est quoi l'espérance de vie, c'est quoi? C'est 80 ans, je pense que. Ou ça dépend aujourd'hui avec les OGM, on peut aller plus loin. Ouais, on peut aller plus loin. Mais amenons ça, même à 100 ans, je pense que 100 ans soit pas assez pour se trouver complètement, parce que ça veut dire qu'on toucherait à tout notre potentiel. Et on n'y arrive pas, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'avec ce livre, je suis dans le bon chemin. Alors, il y a 22 ans, au Rwanda, le dernier génocide du 20e siècle faisait en quelques mois près d'un million de victimes. Et pour cesser d'être prisonnier de vos mots, au-delà de la chanson, en 3 minutes, ça ne suffisait pas de dire ce que vous ressentiez. Il fallait passer par l'écriture. Il fallait passer par l'écriture, puis il fallait passer par une écriture qui ne rime pas. Parce que c'est dur de faire rimer une vie, c'est compliqué. Et qui n'ait pas besoin de musique, de mélodie, de notes pour rendre le message moins cru. Parce que la musique, c'est ça. On accepte beaucoup de choses en chanson parce qu'elle est enrobée de cette chose un peu abstraite qui est la mélodie, qui est l'air, qui adoucit les mots, quelque part. Est-ce qu'à travers les chansons, les gens ressentaient ce que vous viviez ou ce que vous aviez vécu? Absolument pas. Je pense qu'ils avaient des impressions. Des impressions de ce que j'avais vécu, mais ne se rendaient définitivement pas compte de ce que je vivais une fois que je rentrais à l'hôtel, après des salles combles, après des interviews télé, mes apparitions partout où on pouvait me voir. D'ailleurs, cette partie de ma vie, pendant que j'étais en train de raconter mon histoire de façon pas très complète d'ailleurs... Vous mettiez un masque ? Je mettais un masque. Oui, parce que la notoriété, c'est la notoriété qui m'a mis nez à nez avec mon histoire. Ouais. Parce que jusque-là, je sais que quand je suis arrivé au Canada, il m'arrivait de mentir d'ailleurs. Parce que bon, quand on arrive, j'imagine qu'on arrive en Belgique, ça doit être la même chose. Qu'on vient d'ailleurs que physiquement, bon, on n'a pas... On parle de Raoul, là. On parle de monsieur que j'ai en face. Ouais. Quand on vous voit, on vous dit, mais vous venez d'où, par exemple? Moi, la question qu'on m'a toujours posée, c'est, ouais, mais vous êtes d'où? C'est le syndrome de ce que vivent beaucoup d'étrangers, ouais, ou de fils d'étrangers. Ou de fils d'étrangers. Alors, mon problème, c'est qu'il fallait que je dise je viens du Rwanda et que je savais très bien quelle allait être la prochaine question. Ça allait être est-ce que vous y étiez pendant le génocide, et que là, ça allait débouler sur plein de trucs que je n'avais pas envie de partager. Mais il se trouve que j'ai trouvé dans l'écriture de mon premier album une vraie thérapie, un exutoire, et donc j'ai parlé de cette histoire. Mais c'était pas assez. C'était pas assez, puis ça a été récupéré dans les médias, et on n'a pas le temps de tout dire. On ne peut pas raconter un génocide en 3 minutes, ni en chanson, ni dans une interview. Et le déclencheur, c'est quoi? C'est la rencontre avec Mireille Dumas sur un plateau télé avec Mireille Dumas. Il y a eu un reportage, j'étais sur le plateau de l'émission, et pour la première fois, je pense que en France surtout, on m'entendait dire ce que j'avais vécu, mais en très peu de détails. Et à partir de ce moment-là, mon histoire m'a échappé un petit peu, puisqu'elle est devenue l'accroche qui accompagnait systématiquement tout ce que je faisais. J'ai mal vécu avec ça, jusqu'au moment où je me suis rendu compte que j'étais mon histoire. Je ne pouvais pas m'en dissocier, et qu'il fallait que je la porte. Et j'ai écrit ce livre aussi parce que j'allais enfin pouvoir me donner les moyens et l'espace pour tout dire. Vous avez mis 5 ans à vous raconter, 5 ouais, ans, 5 ans. Pour mettre des mots sur ces différentes douleurs, et vous raconter d'ailleurs à travers un dialogue avec votre père, à qui vous en voulez. Ouais, ouais, je lui en veux beaucoup, je lui en veux toujours. Je lui en veux un petit peu moins après l'écriture de ce livre, je me suis bien défoulé. oui, parce qu'il a vu des signes. Il a été emprisonné fin des années 80, il a été mis en prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Mais il était fonctionnaire, c'est ça, hein? Il était fonctionnaire, et dans les années 89, il n'était plus. Il a été consultant pour la Banque mondiale, et il travaillait plutôt dans le secteur privé. Alors votre père était Tutsi, votre mère Hutu, et ce que vous racontez, c'est que votre père a changé pour devenir dans un Hutu. Dans sa carte d'identité, ouais, il avait changé la petite case, on dit ethnie de petits points, il avait changé Tutsi pour Hutu, parce que dans les années 70, bon, c'était l'avènement de la dictature militaire Hutu, et il valait mieux être Hutu que Tutsi pour avoir les faveurs sociales. Et d'ailleurs, c'est comme ça, j'imagine, qu'il a pu obtenir une bourse d'études pour l'Allemagne, pour lui et sa femme, ma mère. Et donc, jusqu'aux années 90, pour moi, mon père était Hutu, en fait. Oui. Parce que c'est ce que j'ai toujours lu dans sa carte d'identité. Et puis, il y a une nuit d'avril, en 94, il y a un tournant, tout bascule, tout change, votre vie va devenir totalement différente. Il y a des hommes du FPR, le Fonds Patriotique Rwandais, l'armée Tutsi, qui revenait pour prendre le pouvoir, qui rentrent chez vous à la maison et ils disent une phrase. Est-ce que vous cachez des cafards ici ? On ne sait pas que c'est des hommes du FPR, et ça c'est le... J'ai mis plus de 20 ans à le dire, parce que je connais la complexité de ce génocide, ouais. Je connais la partisanerie qui divise les Rwandais, mmh. et j'avais peur, surtout avec mon succès que j'ai connu en France, de tous les pays. En plus, il a fallu que je connaisse le succès en France, le pays qui est encore aujourd'hui accusé d'avoir participé au génocide. Mmh. J'allais pas commencer à dire ouais, mais attendez, il y a eu le génocide. Oui, mais moi, ma famille a été tuée par le FPR. Je savais que je me mettais dans de mauvais draps tout de suite, et surtout que ça allait être récupéré. Surtout par des gens qui allaient dire ah ben vous voyez que le FPR c'est pas des anges, ouais. Et je voulais pas du tout de ça, mais en même temps je souffrais énormément du fait de ne pas avoir pu raconter les événements tels qu'ils se sont passés. Et donc ces hommes, quand ils sont arrivés, ils ont demandé à mon père, faut s'imaginer le contexte, il y avait pas d'électricité, c'était l'obscurité totale, le salon était éclairé par une petite bougie, on voyait pas grand chose. Donc voyant ces hommes qui pointaient sa femme et ses enfants avec des armes automatiques, quand on lui a demandé est-ce que vous cachez des cafards, il a pas hésité, il a dit ben non pas du tout, au contraire, nous sommes du côté du pouvoir Hutu, et il en a mis. Et vous posez aussi une question, c'est vous dites et si mon père avait dit la vérité? Oui, mais il n'aurait pas pu. Aujourd'hui, avec du recul, étant père moi-même, on voit des gens qui rentrent. Premièrement, c'est ce qui nous entourait à ce moment-là. Mmh. Ça faisait 9 jours que le génocide était en cours. C'est que la milice Hutu et les forces armées rwandaises tuaient systématiquement tous ceux qui étaient Tutsi, ou tous ceux qui étaient susceptibles d'avoir été du côté du FPR, ou même des Hutus qu'on appelait des Hutus modérés. Mmh. Les massacres avaient pris une ampleur complètement démesurée. Et donc arrivent ces hommes qui disent « Est-ce que vous cachez des cafards ?» Bon, qu'est-ce que j'aurais fait à sa place ? Est-ce que j'aurais pas eu la présence d'esprit de me dire « Ah, mais peut-être que c'est un piège, peut-être qu'ils ouais. sont passés par des hommes des forces armées rwandaises, mais ils ne le sont pas. » Et puis, il est allé avec l'instinct, puis il a dit non. Et puis, il confirmait à ces hommes, finalement, que peut-être nous étions du camp des Hutus, et ils sont mis à tirer. Vous avez vécu en Allemagne, ouais. Jusqu'à vos 6 ans, et puis vous arrivez au Rwanda, vos parents décident de déménager, de partir au Rwanda. Et là, c'est, on peut le dire, un choc culturel. Vous arrivez à 6 ans et on vous appelle le blanc. Ouais. J'étais noir en Allemagne et j'étais blanc au Rwanda. Alors, c'est un petit peu... c'était le départ de... Ça augurait pas très bien. Déjà. On vit... Enfin, en tout cas, les personnes qui sont issues de l'immigration vivent toujours la même chose. On vit toujours les mêmes histoires. On n'est jamais à sa place. On n'est jamais à sa place. On a le cul entre deux chaises, comme on dit. Toujours. Qu'on soit dans le pays dans lequel on soit né et qu'on se considère... Bah, vous étiez né en Allemagne, donc allemand. Ouais. Vous allez dans vos terres et dans vos racines. On ne vous considère pas comme étant rwandais. Donc, on se cherche. Oui, on se cherche, et ce qui m'assure aujourd'hui, c'est qu'avec le temps, je me rends compte que, par exemple, en France, les gens qui viennent de la province et qui atterrissent à Paris, ils sont un petit peu étrangers aussi. Mmh. Et quand ils retournent en province, ce sont des Parisiens, ils sont devenus Parisiens, ils ne sont plus vraiment de la province. C'est un peu partout. C'est un petit peu partout comme ça. Raoul en souffre beaucoup. j'imagine bien. Mais c'est vrai le schéma classique identitaire, le paradigme classique conventionnel identitaire est en train d'éclater. On est de moins en moins d'où l'on vient, on est de plus en plus d'où l'on est. L'endroit qu'on a choisi comme domicile fixe, finalement, finit par plus construire notre identité que nos origines. On en est là aujourd'hui. C'est en ce sens que le monde change. Et vous êtes sûr vraiment qu'il n'y a pas justement un repli là dans ces dernières années avec tout ce qui se passe, que justement les gens dans le discours politique vont justement vers plus remettre même en question des droits du sol, etc. Politiques. Quel sens de l'histoire, hein. Les discours politiques et les médias y contribuent vachement aussi, parce que la polarisation fait parler. si on a un discours raisonné et raisonnable et qu'on dit aux gens, oui, mais attendez, on va être à l'écoute des uns et des autres, il y a une façon trop systématique de mettre les gens dans des camps. Littéralement. Mais vraiment, mais littéralement. Mais un truc qui me sidère quand même, c'est que quand on dit, on parle beaucoup du vivre ensemble. Alors, les gens qui prêchent le plus le vivre ensemble, sont quand même les plus dangereux, sont quand même les premiers à dire, ah mais si tous ceux qui votent Front National sont des demeurés quand même. Ouais. Et là, tu te dis, bah, attends, c'est très dangereux parce que l'exclusion commence là. Parce que vous mettez d'un côté des gens parce qu'ils manquent de voix, ils vivent dans la précarité. Et à un moment donné, on s'accroche, la précarité est probablement la condition première pour créer des clivages et justement pour qu'on commence à s'attacher à des idées politiques qui, des fois, n'expriment pas forcément ce qu'on ressent. Mmh. Je suis persuadé que les gens qui votent Front National ne sont pas forcément des racistes purs et durs. Mais à un moment donné, les gens n'ont pas le droit. Regardez ce qui se passe aux États-Unis, Donald Trump, voilà. On va revenir sur votre carrière, sur cette colère que vous êtes interdite pendant des années et que vous avez fini par mettre sur papier en vous racontant. Corneille, notre invité, Là où le soleil disparaît, aux éditions XO Éditions. N'hésitez pas à lire, c'est une autobiographie où vous racontez et c'est plein de sincérité. On va continuer à s'intéresser à vous, Corneille, dans un instant. Le temps pour nous de voir également ce qui se passe dans l'actualité en ce vendredi. Et pas mal de choses, tiens. Nouvelle semaine, nouveau rebondissement dans l'univers politico-médiatique français. Vous suivez un peu tout ce qui se passe en France au niveau politique ou Oui, ouais, c'est ma télé-réalité à moi. C'est pas mal. Et ben, on va parler de cette télé-réalité avec Manu Di Pietro dans quelques minutes. Restez avec nous sur La Première. Mais quelle icône, celle-là ! C'est presque sérieux sur La Première. La Première présente. Et si vous aviez le choix entre gagner un million et perdre une jambe ? J'empocherais le million. Moi pas, je garderais mes jambes. Les Dactylos et le Tigre, une comédie décalée de Murray Fisgal dans une mise en scène de Bruno Hemsens avec Julie Duroisin. Et Nicolas Luçon, au Boson du 11 au 29 octobre. Réservation @leboson.be. En partenariat avec Le Soir. Le Boson, infiniment intime. En octobre, ce sont les conditions d'automne chez Ego. Montage gratuit de votre nouvelle cuisine équipée, plus le lave-vaisselle offert. Ego, la cuisine de ma vie. Plus de data en poche, c'est toujours utile. Pour ceci, par exemple. Allô ? Thomas, c'est maman. Tout va bien à la maison ? C'est ma mère. Oui, j'étudie à fond, là. Ah bon ? C'est curieux. Je viens de voir que t'as été tagué par un de tes potes en train d'étudier à fond dans notre jacuzzi. Tu comprendras que j'ai pas liké, hein ? Orange lance de nouveaux abonnements avec encore plus de volume de surf. Comme ça, vous disposez toujours de ce dont vous avez besoin. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. La Première présente José Carreras, le Final World Tour. José Carreras sera en concert à Beaux-Arts le 27 octobre. Un retour sur la carrière musicale de l'un des plus grands ténors de tous les temps. Une soirée de gala à ne pas manquer. José Carreras, le 27 octobre à Beaux-Arts. Tickets, gracialife.be ou 02 507 8200 avec Le Soir. Profitez maintenant de l'internet ultra rapide et de la télé digitale à partir de 39 € par mois. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. La Première. Mobile Info. Vous quittez le boulot, vous êtes dans votre voiture et vous posez une question. Est-ce que ça roule ? Eh bien, réponse tout de suite avec Fanny Gila. Ah, ça roule pas très bien sur le 40, le fameux chantier de Schorat en direction de l'Allemagne. Vous perdez 15 minutes, ça ralentit forcément dans les tunnels de la capitale. Sur le Ring également, circulation extérieure Zaventem Grand Bigard, en intérieur Zaventem Léonard, un quart d'heure. You make me smile. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. À l'émission, on découvre un artiste différemment. C'est vrai qu'on pourrait se dire, alors que d'habitude, on est dans la joie et dans la bonne humeur, là, c'est beaucoup plus apaisé, beaucoup plus sérieux. Mais on voulait vraiment vous recevoir, Corneille, parce que vous avez un parcours de vie qui nous fascine et qui est dans ce que beaucoup de gens vivent aussi aujourd'hui, dans la recherche de ce qu'on est. Est-ce que vous êtes sensible à l'actualité aujourd'hui, par exemple, par rapport aux migrants ? Migrants, ouais. Ouais, j'y suis très sensible, j'ai été migrant moi-même, ouais. Je suis un ex-exilé, je dis ex, mais je le suis peut-être encore un petit peu. Donc je comprends la réalité de ces gens-là qui quittent chez eux parce qu'ils n'ont pas le choix, je le comprends très très bien. Ce que je déplore, c'est qu'il y a une espèce d'autorité morale qui s'impose aux gens et qui leur dit, si vous n'accueillez pas ces gens-là sans hésitation, sans vous poser même de questions, eh bien, vous n'êtes pas dignes, vous n'êtes pas des êtres humains dignes. c'est compliqué parce que je pense qu'il y a un dialogue qui passe pas. Il faut éduquer les gens. Il faut reconnaître que cette hésitation s'explique. Et après, on peut dépasser ça. Et après, on peut parler de générosité et d'accueil. Comment est-ce que vous avez vécu, vous, l'exode ? Vous êtes parti, vous avez... Il y a eu beaucoup de subterfuges pour passer inaperçu aussi. Oui, moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai quitté Kigali, donc la capitale rwandaise, en début juillet 1994, avec l'occupation, suite à l'occupation du FPR, du pays par le FPR. Donc les bourreaux, la milice Hutu, les forces armées rwandaises étaient... eux-mêmes à la cavale, étaient devenus eux-mêmes des exilés, donc étaient devenus beaucoup moins minutieux dans les activités d'épuration ethnique, si vous voulez. Donc là où moi, j'ai une ethnicité un petit peu ambiguë, j'ai l'air d'un un petit peu d'un Hutu, mais peut-être un peu moite, d'un Tutsi, moite-moite. Ouais. Voilà, je suis moite-moite. Si j'étais sorti de chez moi le 8 avril, je ne sais pas si j'aurais survécu, ça aurait été plus compliqué. Mais comme j'étais comme ça, perdu dans cette horde de gens, de réfugiés qui quittaient tous le pays pour, sans destination, j'ai pu m'en sortir. Florence. Walid parlait de colère tout à l'heure. On sait qu'aujourd'hui au Rwanda, vous avez des anciens Interahamwe, des bourreaux, etc., qui doivent maintenant cohabiter ensemble puisque ça n'a pas été possible de juger tout le monde. Comment vous vivez ça ? Fallait bien faire quelque chose. On revient en vivre ensemble. Et en même temps... On n'oublie pas. Puis je trouve... C'est pas réaliste de penser que quand quelqu'un qui est encore en vie, qui physiquement est encore fonctionnel, arrive et vous avoue avoir été celui qui a tué à la machette votre famille entière... Pas réaliste de penser que par ce simple exercice, on puisse créer un cadre où le pardon soit possible. On a envie de se venger ou pas ? Est-ce que ça vous a effleuré l'esprit ? L'écriture ? La vengeance. Dans l'écriture, non. La vengeance, non, mais je me suis posé la question de la justice. Oui. Et je me suis rendu compte, et c'est un petit peu ça que j'ai trouvé extraordinaire dans l'écriture de mon livre, c'est que je me suis rendu compte que j'avais plus besoin de justice. La justice m'avait été faite. Ma justice, c'est ma vie aujourd'hui. C'est ma femme, c'est mes enfants. J'ai une carrière, j'ai une vie confortable. Et puis finalement, j'en demande pas plus. Et le jugement par une justice quelconque qui s'abattrait sur les deux hommes qui sont venus dans ma maison ce 15 avril... Ça ne m'apporterait rien du tout, ça n'apporte rien à mon bonheur. Je dois moi-même dépasser ma tragédie. Je ne peux pas l'attendre de quelqu'un d'autre. On va continuer à parler de votre famille, de la musique, de votre relation avec votre meilleur ami que vous décrivez, c'est votre frère. Ouais. Cynthia Isarelli, une question. Et puis on va passer à Manu Di Pietro dans un instant. Cynthia. Oui, c'est peut-être une question un peu complexe. J'ai une amie qui d'ailleurs doit avoir à peu près votre âge, qui a elle-même fui le génocide rwandais. Et ce qu'elle me disait souvent, c'est qu'au-delà même de la colère, de la tristesse, etc., ce qui l'a longtemps empêché de fonctionner, c'était paradoxalement la culpabilité d'avoir survécu. La fameuse culpabilité du survivant. Elle est étrange, celle-là, parce que d'une part, on se dit, j'ai survécu parmi 7, 8, 10 personnes, je suis le seul qui vit encore. Et en même temps, on vit ça comme une énorme injustice, parce que d'une part, on ne sait pas s'ils ne sont pas dans un endroit meilleur que toi, parce que toi, l'enfer, tu la vis encore. C'est-à-dire que tu es encore en train d'essayer d'échapper à la mort, ton lendemain n'est pas certain, tu es témoin de choses, d'images tellement violentes. Et donc, tu ne sais plus trop si tu dois t'estimer heureux, chanceux d'avoir survécu, ou si les autres, finalement, à un moment donné, je me disais, mais j'aurais peut-être fait mieux de partir avec eux. Je serais avec eux. Et peut-être que là où ils sont, n'est pas si mal, finalement. C'est une manière de voir les choses. Tiens, une nouvelle semaine, il y a de nouveaux rebondissements dans l'actualité, et surtout dans l'univers politico-médiatique français. Cette fois-ci, Manu Di Pietro nous vient avec cette émission télévisée qui risque de faire des vagues pour encore quelques temps. Vous allez entendre parler de cette émission, j'en suis certain. On vous écoute, Manu Di Pietro. Mais oui, comme je vous en parlais déjà la semaine dernière, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à suivre la campagne électorale en France. Certains diraient que j'aurais autant de plaisir à tenter de m'arracher les poils de nez avec une pince Monseigneur en regardant les orages de la vie, surtout celui consacré à Jessica le transsexuel ennuyé. Ah oui. Je vous le conseille. Oui, très très bon, très très bon. Intéressant. Il faut dire que cette campagne a déjà fort bien commencé. Vous vous rappelez tous de la désormais célèbre phrase d'Alain Juppé qu'on se remet pour le plaisir. Ceux qui osent me critiquer, je les emmerde. Voilà une expression qui va prendre place au panthéon des phrases de la politique française, comme le « je vous ai compris » de De Gaulle, ou le « vous n'avez pas le monopole du cœur » de Giscard d'Estaing. Bon, il y en a aussi des moins classes, comme « casse-toi, non, pauvre con ». Ouais, « casse-toi, pauvre con », ou encore « si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le palier devient fou ». Bon, là, je triche un peu, Chirac n'était pas encore président, il s'entraînait pour plus tard. Et c'est marrant, enfin marrant, on se comprend, parce que Alain Juppé était déjà là lors de ce discours. Le travailleur français qui habite à la Goutte d'Or où je me promenais avec Alain Juppé la semaine dernière, il y a 3 ou 4 jours. Voilà, c'est pas Alain Juppé, c'est Marty McFly. Donc histoire de... D'ailleurs, histoire pour Chirac de ne pas balancer des saloperies tout seul, hein. Ceux qui osent me critiquer, je les emmerde. Voilà, pas la peine de s'énerver. Et d'ailleurs, en parlant de ne pas s'énerver, il y a une nouvelle arrivante dans le monde des interviews politiques, Karine Le Marchand. On ne la connaît pas trop de ce côté-ci du Quiévrin, puisqu'elle a surtout fait sa carrière sur M6. Elle est principalement connue pour deux émissions, une appelée Les Maternelles, qui donnait des conseils aux parents, et l'autre, L'Amour est dans le Pré, que l'on connaît désormais chez nous. Un tourné manège champêtre, mais avec un français encore plus approximatif, et des mamelles filmées en gros plan. Désormais, Karine se lance dans une émission avec des politiques, mais pas politiques, c'est elle qui le dit, ça s'appelle Une ambition intime, où l'on pose des questions du niveau de « Et ta bagnole toujours content ?» ou plutôt « Thé au café ?» à des gens comme Nicolas Sarkozy ou Marine Le Pen. Et là, Karine, peut-être que ton émission n'est pas politique, mais tu ne me feras pas croire que tu ne prends rien de plus fort que de l'eau pétillante avant de la tournée, parce que dimanche, Karine nous a sorti la punchline de l'année lors d'une discussion sur le jardinage avec Marine Le Pen, justement. Je trouve que le jardin, c'est poétique. C'est ce que disait Émile Louis quand il faisait ses trous. Voilà, on comprend tout de suite mieux pourquoi on l'avait choisi pour animer Les Maternelles et L'Amour est dans le Pré, hein, les enfants et les prédateurs sexuels, ça la connaît bien. Et alors ce rire de l'enfer. Ah oui. Faut quand même imaginer que c'est comme si Julie Taton chez nous en interrogeait au hasard Alain de Stex sur sa passion des voitures. Alors Alain, il paraît que vous aimez les belles autos. Ah oui, j'aime encore bien les autos, surtout les grosses blanches. Ah bah oui, marre du trou aussi, paraît. Qu'est-ce qu'on se marre. Enfin, heureusement, nous, on ne fait que de la radio, hein, Walid. La division 3 des médias, comme le disait hier un très cher collaborateur de l'RTBF à Sud Presse. Ouais. Ça ne risque pas de nous arriver de dire des horreurs pareilles. Non, non, absolument pas. Corneille, l'actualité, vous la suivez de près. Vous avez un peu le pied partout, en Allemagne, en France, au Canada. Est-ce que vous envisagez un jour de retourner sur vos terres, la terre de vos parents, le Rwanda? Vous venez de très bien le dire, c'est un besoin précisément parce que c'est la terre de mes parents, c'est la dernière terre, c'est là où ils sont enterrés et c'est plus qu'un projet parce que je ne peux pas vous dire quand j'irai, mais c'est un besoin, c'est là où la boucle pourra enfin se... Là vous pourrez réécrire une nouvelle histoire et repartir Forcément. Je suis persuadé qu'il y a un livre qui naîtra de ça. Forcément, le retour, de toute façon, est toujours une raison d'écrire. Là où le soleil disparaît, aux éditions XO Corneille, pour son livre et notre invité presque sérieux. Vous restez avec nous, Corneille, on va nous marquer une pause, on va vers les informations de 17h et puis on va un peu... Hein, on va un peu se lâcher. Se lâcher un petit peu. On va peu se lâcher. Être moins sérieux. Être moins sérieux et rester dans l'émission. En tout cas, ça nous fait vraiment plaisir de vous avoir. Il va y avoir de la musique avec Cindy Azarelli. Oh, j'aurais même envie d'entendre votre voix. Restez presque sérieux sur la première. Les infos arrivent à 17h et puis on vous emmène, comme tous les jours, jusqu'à 17h30. A tout de suite. Walid, sur la première, c'est presque sérieux. Ça se passe sur lapremière.be. Découvrez, par-delà les ondes, l'espace web dédié à la création sonore de la première. Aventurez-vous dans un monde de sons, sans autre boussole que le plaisir de rêver par les oreilles. Vous y trouverez des trésors acoustiques, des documentaires, des fictions, des séries, de grands entretiens et des reportages. Pour enregistrer du vent. Rendez-vous sur rtbf.be/par-delà-les-ondes, montez le son, fermez les yeux et ouvrez grand vos oreilles. Vous allez être conquis.

Je prends ceci comme une demande de réouvrir de négociations. Des propos recueillis par Rudy Hermans. Et ça continue encore et encore. Tous les vice-premiers ministres sont réunis avec le Premier ministre Charles Michel au 16 rue de la Loi. L'objectif, c'est bien d'aboutir à un accord global et sur les budgets et sur les réformes. Toutes les propositions des partis qui composent la majorité fédérale sont examinées, mais on n'en sait pas plus pour le moment. Aucune communication n'est à attendre dans l'immédiat. L'Europe a donné 2 jours de plus pour aboutir sur la copie budgétaire de la Belgique. L'auteur de l'attaque à l'acide chez Deleuze a été condamné à 18 ans de prison pour tentative d'assassinat. Le Néerlandais avait blessé l'année dernière une femme de ménage dans un supermarché d'Anvers en l'aspergeant avec de l'acide sulfurique. La victime avait été touchée gravement au visage, à la main et au bras. Françoise Berlaymont lui a demandé si elle était satisfaite du jugement. Il a écopé de 18 ans de prison, plus 10 ans de mise à disposition du tribunal d'application des peines. Je suis contente, même si c'est moins que les 20 ans requis par le parquet. Oui, je suis quand même contente. Maintenant, je pense continuer ma vie et laisser cette épreuve derrière moi. Il faut que j'aille de l'avant, mais c'est toujours difficile sur les plans émotionnels. Ma famille est là pour me soutenir. Une réaction recueillie par Françoise Berlaymont. À la suite d'une assemblée générale ce matin, les travailleurs de la FNR Stahl ont décidé de débrayer. Depuis plusieurs années, ils demandent à la direction une nouvelle organisation du travail pour que l'usine soit exploitée au maximum de ses capacités. Une partie de la production est aujourd'hui externalisée aux États-Unis et pour eux, ce n'est pas justifié. Lundi, ils devraient reprendre le travail. La Thaïlande s'est habillée aux couleurs du deuil, le noir et le blanc. Au passage du convoi funéraire du roi Bhumibol, ramené de l'hôpital où il est mort hier jusqu'au palais royal, des habitants se sont mis à genoux. Les Thaïlandais pleurent un demi-dieu et l'inquiétude aussi, il faut bien le dire, s'est installée sur l'avenir du royaume dirigé par une junte militaire. Car Françoise Nice, l'image du prince héritier est très mauvaise. Oui, on l'a dit, le père était considéré comme un demi-dieu, le pilier de la nation. Sa mort après 70 ans de règne crée un vide. Il était célébré pour sa sobriété, sa capacité de compassion pour les plus faibles. Son fils de 64 ans, le prince héritier Mahavajira Longkorn, lui est tout sauf exemplaire. La plupart du temps, il n'est pas en Thaïlande, mais en Allemagne. Il a divorcé 3 fois, la dernière fois en faisant jeter en prison la famille de son ex-épouse. Et cet été, on l'a vu à Munich, en jeans et avec l'image plus d'un fêtard qui revient d'Ibiza que celle d'un héritier royal. Qui plus est, le prince héritier a demandé un délai avant de monter sur le trône. Et peut-être est-ce la junte militaire qui cherche une alternative. Il y a bien une princesse héritière, mais elle n'a pas le profil car c'est une femme célibataire. Le deuil national doit durer 1 an. La junte militaire pourrait être tentée de renforcer encore un peu plus son pouvoir au nom d'un besoin de stabilité. Mais jusqu'ici, les élections promises pour l'an prochain sont apparemment maintenues. Il paye cash sa grossièreté, ses propos dégradants, ça là, c'est les accusations d'attouchement sexuel qui le visent. Certains des plus importants donateurs du Parti républicain ont appelé à lâcher le candidat à la Maison-Blanche, Donald Trump. C'est un démagogue dangereux qui n'est absolument pas apte à assumer les responsabilités de président des États-Unis, a expliqué un investisseur au New York Times. Cela dit, les principaux bailleurs de fonds du parti ont peu de prise sur le mania de l'immobilier qui puise surtout dans sa fortune personnelle. Ce soir, vous irez peut-être au cinéma. Le prix d'une place coûte entre 4,50 euros et presque 11 euros dans certains gros complexes. Un loisir qui coûte de plus en plus cher. Simon Bourgeois, le prix d'une entrée a augmenté 2 fois plus vite que le coût de la vie ces dernières années. En 2006, le prix moyen d'un ticket, 6 euros. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, c'est quasiment 9 euros. D'abord parce que la technologie évolue. Digitalisation, 3D, des meilleurs systèmes de son. Pour Jan Stalens, le directeur d'un gros cinéma de Mons, c'est clair, il faut investir, être à la pointe pour concurrencer Internet et la télé à la demande. Des projecteurs anciens ont été remplacés par des numériques qui coûtent quand même 3 fois plus. On a changé les salles, on a augmenté la sécurité, notamment les derniers mois. on a eu quand même un coût qui a presque triplé en sécurité. Le marché aussi évolue. Les gros groupes Kinépolis, UGC concentrent une bonne partie des salles en Belgique. Ce sont eux qui donnent le tempo, qui tirent les prix à la hausse. Et puis il y a aussi les taxes. Les communes sollicitent beaucoup les lieux de loisirs. C'est des taxes qui unilatéralement peuvent être demandées par les villes. Et notamment les cinémas sont lourdement touchés. À Mons, par exemple, nous on paye presque 10% en taxes sur un ticket de 9 euros. Il y a pratiquement 1,5 euro qui va directement à la ville. C'est trop ? Là, oui, surtout s'il n'y a pas de retour en quelque sorte. Moins de subsides communaux notamment. Le contexte a donc bien changé ces dernières années. Pour les cinémas, ils ont dû s'adapter. Voilà pourquoi les prix ont particulièrement augmenté. Et puis si on ajoute le parking, les crasses et boissons que l'on ne manquera pas d'acheter aussi, la sortie cinéma coûte cher. Très belle fin de journée à notre écoute, il est 17h08. Toute l'info est sur rtbf.be. En octobre, ce sont les conditions d'automne chez Ego. Montage gratuit de votre nouveau placard ou dressing sur mesure. À découvrir sur ego.be. Merci d'être fidèle à la première. Walid, on vous retrouve, c'est toujours presque sérieux. Merci Diane, retour de l'information dans moins d'une demi-heure maintenant avec Arnaud Reussen pour Soir Première. D'ici là, nous restons presque sérieux avec Corneille en ce vendredi. La première. 16h-17h30, c'est presque sérieux avec Walid. Excellente fin d'après-midi sur la première, vendredi, et un vendredi où nous sommes bien entourés. Il y a autour de la table Cynthia Isarelli, bonjour, Manu Di Pietro, Florence Mendez, Raoul Reyer, Vincent Flibustier, et celui qui, que vous connaissez déjà, un chanteur québécois qui était discret sur sa vie privée, qui nous revient avec une autobiographie, Là où le soleil disparaît, aux éditions XO, 320 pages, nourries de confidences, de dialogues avec son père, c'est Corneille, alias Cornelius. Oui, tout à fait. Voilà, ou Cornelius, alias Corneille. Ça dépend des jours. Ouais. Cornelius, c'est beaucoup plus classe à l'âge adulte. Ah, voilà, donc là maintenant, ouais, Cornelius. Ah ouais, à 6-7 ans, c'est dur. C'est dur. Très dur. Corneille ou Cornelius est avec nous. Il vient nous présenter Là où le soleil disparaît. On va s'intéresser à vous et aux histoires de l'Allemagne, du Canada avec Vincent Flibustier. C'est parti. C'est presque sérieux. La première. Alors Vincent, vous avez des petites histoires à nous raconter autour de l'Allemagne, du Canada, des pays que connaît bien notre invité du jour, Corneille. Ben, on va voir justement, Corneille, c'est à vous de me dire si ce que je vous dis est vrai ou faux. Est-ce que dans la province de Colombie-Britannique, il est interdit de représenter la reine d'Angleterre en sous-vêtements ? Ah bah oui. Non, c'est faux. Ah non, mais il faut pas le faire, c'est dégueulasse. Est-ce que la province de l'Alberta... Ça devrait l'être. La province de l'Alberta, 20 fois la taille de la Belgique, est réputée pour n'avoir sur son territoire aucun rat. Alors, rat en Alberta ? Aucun rat. Ça me semble... Non, je pense pas. Eh bien, c'est vrai. Ah ouais ? Parce que... Et c'est en fait le seul territoire au monde qui peut affirmer n'avoir aucun rat, alors que chez nous, il doit y avoir plus de rats que d'habitants. Et c'est dans les années 50 que l'Alberta a commencé à exterminer les rats en déversant des tonnes d'arsenic partout. Et en Alberta, quand on trouve apparemment ne serait-ce qu'un rat à l'autre bout de la province, ça fait la une des journaux, un peu comme si on trouvait un rat à Nice et que ça faisait l'ouverture du JT de la RTBF. Et les gens qui arrivent à importer des rats de compagnie risquent 2 mois de prison et 5 000 $ d'amende. Ah, c'est énorme, ça. Ah oui, c'est vrai. Ah. Que l'Alberta, général, c'est un petit peu le Singapour du Canada. Ouais. Ah, ils en chopent 12 par an en moyenne, quoi, mais extrêmement directement. Mais avec l'arsenic, il y aura bientôt plus d'habitants. Allez, un autre vrai faux, Vincent. Est-ce qu'au Canada, il faut obligatoirement porter un short pour jouer au bingo ? Non. Bah non, oui, quelle idée. Ontario, est-ce qu'en Ontario, si vous ne payez pas votre nuit d'hôtel, on peut vous confisquer votre cheval et le vendre aux enchères dans la journée ? Non. Si, on peut. C'est une loi récente. Alors, au Canada, il est interdit de faire peur à la reine d'Angleterre. Ben non, c'est pas interdit, mais... Si, c'est vrai, acte C-46 du Code civil canadien est considéré comme criminel toute personne qui effraierait Sa Majesté la Reine. Attention, elle est incroyable. Moi, je vis au Canada, je pense que c'est pas les mêmes lois au Québec, pardon. Je pense que c'est pas les mêmes lois au Québec. Elles sont a priori plutôt appris. Qui ferait peur à la Reine ? On passe à l'Allemagne ? Ouais. Alors en Allemagne, avant de citer Adolf Hitler, il faut dire, ceci est une citation, il ne reflète pas ma pensée, donc c'est genre « This is an, sie dat, en nicht, en tun, denken, reflektieren ». En allemand, il est fort. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est pas mal. Non, je pense pas. Non, c'est faux, mais citer Hitler est quand même assez mal vu. En Allemagne, vous êtes obligé de laisser rentrer un ramoneur chez vous si vous avez une cheminée. Obligé. Obligé. Vrai ou faux ? On est obligé au Canada, mais en Allemagne, j'imagine que oui. Eh bien oui, c'est vrai. Donc en fait, un ramoneur, encore aujourd'hui en Allemagne, a théoriquement plus de possibilités de rentrer chez vous que la police. En fait, la loi date du Troisième Reich. Hitler avait imposé ça pour s'attirer le soutien du lobby des ramoneurs. Et en plus, en fait, il les utilisait pour espionner et perquisitionner chez les gens. Donc encore aujourd'hui, à mon avis, ils le font plus trop. Mais légalement, un ramoneur frappe à votre porte, vous devez le laisser rentrer. C'est pas mal. Science de vitesse queue. Oui, c'est ça. Une autre histoire. Frapper quelqu'un avec un oreiller en Allemagne est tout aussi punissable qu'un coup de couteau. Non. Bah, ça dépend si vous frappez fort ou pas, mais de base, si vous baladez avec un oreiller dans la rue, vous pouvez être arrêté parce que c'est une arme de premier degré, comme une matraque ou un couteau. Non. Moi, c'est fini, je vais plus en Allemagne. Parce qu'à noter, je crois que c'est une vieille histoire où quelqu'un. Mettez des cailloux dans l'oreiller. Ah ouais, d'accord. Un petit peu comme ça. Ça dépend ce qu'il y a dedans. Ça dépend des options. Est-ce qu'on en fait une dernière ? En Allemagne, on ne peut pas montrer de sang dans les jeux vidéo. Alors, est-ce que c'est vrai ou faux ? Ils ne peuvent pas jouer beaucoup. C'est vrai, on ne peut pas montrer de sang. Du coup, dans la plupart des jeux, soit les ennemis n'ont pas de sang, soit ont du sang vert, comme on voyait dans notamment le jeu Carmageddon, on écrasait des zombies qui avaient du sang vert. Ou alors, comme dans le jeu, par exemple, Team Fortress 2, les ennemis explosent en faisant des confettis. Mais il y a un rapport fatalement aux nazis mais pas à la télé, parce qu'il serait très mal avec les films de Tarantino. Vous n'avez jamais absorbé l'accent, respect. Jamais, jamais. Et d'ailleurs, quand on veut bien rire de moi, on me demande de prendre l'accent. Ah, justement. Non, mais vous, ça vous fera pas rire. Vous, parce que je maîtrise pas le québécois, mais allez, essayez pour voir. Ah ouais, mais ça veut rien du tout. Franchement, les Québécois ils trouvent ça hilarant parce qu'ils sentent bien que je l'ai pas. Ouais, que vous l'avez pas. En tout cas, Cordé, restez avec nous. On va entendre une petite chanson avec Cindy Lizarelli qui va accorder son ukulélé. On va marquer une pause et revenir. Je vous rappelle que Corneille sort son autobiographie là où le soleil disparaît. Ah, il a vraiment un ukulélé, je pensais que c'était une expression belge. Ah non, c'est vraiment là. Ukulélé, c'est effectivement la même chose. Partout dans le monde, le ukulélé de Cindy Lizarelli. Quel sort ? Ce sera dans un instant. Restez avec nous sur la première. Les nouvelles tendances maquillage sont déjà chez Dee. Des coloris sublimes, des collections exclusives. En ce moment, jusqu'à moins 50%. Dee, faites-vous plaisir. Profitez-vous aussi du meilleur du gaz. Devenez client. Surfez sur primagaz.be pour un avantage de 200 euros et l'installation gratuite de votre citerne. Primagaz, le meilleur du gaz, là où vous le voulez. Vous disposez d'actions depuis longtemps et avez besoin de conseils pour vos investissements. Investir, parlons-en. Rendez-vous sur cbc.be/décider d'investir. En octobre, au bon repos, comblez toutes vos envies. Alors, vous êtes plutôt du style lève-tôt, grasse mat, sieste, dans un lit bien douillet ? Un canapé-lit ou un relax, dans des draps soyeux sous une bonne couette, le tout rangé dans un beau dressing. Profitez maintenant de 18% de remise au Bon Repos. 18% pour combler toutes vos envies et créer votre propre style. Aubonrepos.be, place de la Chapelle à Bruxelles, à deux pas du Sablon. Parking privé. Ouvert ce dimanche de 10h30 à 17h30. La Fnac fête ses 35 ans et vous couvre de cadeaux. Jusqu'au 30 octobre, profitez d'offres spéciales anniversaire Fnac jusqu'à moins 40%. Tous à la Fnac et sur fnac.be. Fnac. Offre soumise à condition. Citroën, bonjour. Oui, j'ai besoin tout de suite d'une camionnette fiable et modulable. Ah, pas de problème. Parce que j'ai un client qui attend et la mienne m'a lâché. Ah oui, oui. Oui, je suis menuisier. Si vous m'en trouvez une disponible, je vous offre 20 mètres carrés de parquet. Monsieur. Et je viens le poser gratuitement, hein. Pas besoin d'en faire autant. En octobre, pendant les jours pro, Citroën propose une gamme de véhicules utilitaires disponibles immédiatement. Et avec l'offre Option Plus, vous recevez 50% sur les options. Plus d'infos sur business.citroën.be. Citroën. Offre soumise à condition. Le nouveau lave-linge d'AEG, équipé de la technologie Ecomix, mélange d'abord votre détergent et votre adoucissant avec de l'eau pour laver et protéger chaque fibre. Recevez maintenant un bon cadeau de 100 euros chez Ici Paris XL à l'achat d'un lave-linge AEG. La première. Mobile Info. Bouchon ou pas bouchon, est-ce que ça roule, Fanny Gillard ? C'est la question qu'on vous pose à cette heure-ci. On a deux accidents qui viennent de se produire. Accident sur le 411 Bruxelles-Namur à hauteur de Torrent-Bessin-Tron. Passage difficile dans la bretelle de sortie en direction de Namur. Accident aussi sur le 42 Namur-Liège à hauteur de Fernelmont. Bande de gauche neutralisée défile en direction de Liège. Des ralentissements engendrés par des travaux au 42 Mons-Liège à hauteur de Dossou. File à partir de Rhines. 10 minutes perdues en direction de Liège. À Liège, justement, le fameux chantier de le 40 vous ralentit en direction de l'Allemagne. Vous perdez 10 minutes. On part maintenant sur la capitale. Ça coince dans les tunnels, ça coince sur le ring. Le plus gros souci, c'est en circulation extérieure. Zaventem Grand Bigard, 20 minutes. Dans l'autre sens, circulation intérieure, Zaventem Léonard, 20 minutes. Et puis, ça coince quelque peu sur les grands axes pour quitter la capitale. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. problème sur la route, signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir d'ici. Eh oui, même dans les comptes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vazam, ouvre-toi ! Instagram, ouvre-toi ! Oh, crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça. Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. C'est presque sérieux. Sur la première, 16h-17h30, avec Walid. Dernière ligne droite avant de retrouver soir première avec Arnaud Reussen. Ils sont presque sérieux et notre invité l'est tout autant. Corneille, là où le soleil disparaît. C'est son autobiographie, survivant du génocide rwandais. Un récit poignant d'un homme à la recherche de sa vérité. C'est vrai qu'on se pose toujours cette question. C'est une vieille question que les vieux philosophes grecs nous ont laissée. Qui suis-je ? Où vais-je ? Vers quelle étagère ? C'est la question en tout cas, pas mal de questions que vous vous posez à travers ce recueil. Merci à vous en tout cas d'être avec nous, Corneille. Et on a juste à côté de vous cette jolie demoiselle qui a sorti son ukulélé, Cindy Aizarelli, pour entonner une chanson en lien direct avec l'actualité du jour. Alors, on a tous cru à un mauvais photomontage. Malheureusement, la réalité dépasse parfois Photoshop. Vous avez vu un peu ce qui se passe à Béziers en France avec ces affiches ? Non, absolument pas. C'est incroyable. Voilà, des posters. Les migrants. Des posters placardés par Robert Ménard dans sa ville de Béziers, appelant donc à la haine face à ce qu'il appelle une invasion de migrants. Ça n'a laissé personne indifférent et on l'évoque en musique tout de suite avec Cindy Aizarelli. Nous sommes comme notre mère, si blanc et si chrétien, c'est saint français. Tu sais, il a raison le maire, ces mecs-là ils sont louches, mais ça va changer. Placarder les valeurs actuelles pendant que les migrants passent et observent sous leur cagoule en flanelle. Grand remplacement, c'est ce qui menace le français moyen. Surveiller, clôturer, faites comme nous devenaient des bons à rien. Alors on vit chaque jour comme à Béziers, padapapa. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez, padapapa. Combien de fois des étrangers nous ont frôlé, wow, wow. Alors on vit chaque jour comme à Béziers, parce qu'ils viennent de loin. Badala, ouh. Et quand les temps sont durs, on se dit que c'est de la faute du négro d'en bas. Et quand l'hiver perdure, on ferme les yeux et puis on tire la couverture à soi. Et c'est facile comme ça, comme disait Moore. La menace n'est pas éphémère, on piche pas ses discours. Mais Ménard l'applaudit, donc nous aussi tant qu'à faire on est des lourds. Mais nous au moins on dit nos prières, alors buvons nos bières tant qu'on peut encore le faire. Mes frères, alors on vit chaque jour comme à Béziers. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez. Padapapa. Combien de fois des étrangers nous ont frôlé, wow, wow. Alors on vit chaque jour comme à Béziers, parce qu'ils viennent de loin. Cindy Aizarelli qui revisite l'actualité avec un morceau phare de notre invité, Corneille, là où le soleil disparaît. C'est vrai que pour beaucoup de migrants, c'est ce que vous avez vécu vous aussi à travers votre histoire, Corneille. Ouais, parce que ce dont les gens ne se rendent pas compte, c'est que les migrants, ceux qu'on voit qui nous arrivent, c'est des gens qui sont à la recherche que d'un petit peu de normalité et de vie. C'est des gens qui ont des préoccupations aussi de base que mes enfants, il ne faut pas qu'ils crèvent de faim, et puis il ne faut pas qu'on meure de maladie nous-mêmes pour qu'on puisse continuer à s'en occuper. Et puis ils n'ont juste pas d'autre choix. Ils n'ont pas un projet machiavélique de venir nous envahir et contrôler le territoire. S'ils avaient le choix, ils resteraient chez eux. Ils resteraient chez eux. Ouais. Personne ne quitte son... Vous avez tous vos rapports avec votre chez vous. Mmh. Vous êtes ancré ici. personne vous sortira de là, à moins que vous n'ayez juste pas le choix. Quoi. Mmh. Mais il faut l'expliquer aux gens. Puis bah, après, tu as des gens comme le maire de Béziers qui, lui, voilà, il protège son petit, petite posture politique. Je serais super heureux que, dans son arbre généalogique, on remonte jusqu'à Poitiers. Et qu'on voit un petit peu ce qui s'y passait. Tiens, Corneille, rapport à la musique également, puisque vous en parlez dans votre livre. Il y a votre père, un jour, qui passe la tête par la porte de votre chambre et qui vous dit, tiens, vous avez cette voix là, la Tracy Chapman, vous qui étiez d'ailleurs fan de Boys to Men. Ouais, mais le fait que mon père me dise ça, alors qu'il était ingénieur, puis en Afrique, bon, c'est pas du tout, c'est pas quelque chose que les parents cautionnent. Hein, puis c'est quelque chose qu'on fait pour s'amuser surtout. Puis on fait pas une blinde en faisant de la musique en Afrique. Mais nous, ça vous a fait plaisir quand. Ça promet pas un avenir. Quand vous voyez votre père passer la tête par la porte de votre chambre et vous dire, tiens. T'as une voix qui ressemble à Tracy Chapman, ça vous a fait quelque chose. Ouais. Pour moi, c'était l'approbation dont j'avais besoin. C'est pour ça que j'ai eu la naïveté de penser que je pouvais faire carrière là-dedans. Mm-hmm. Puis vous décrivez dans le bouquin comme un nègre, c'est un mot moi que j'aime pas des masses, mais que vous aimez. Ce qui s'est passé, la première fois que j'utilise le mot nègre dans le livre, ouais. J'écris, je suis en train de raconter mon enfance en Allemagne, je suis né en Allemagne, au pied des Alpes, puis je dis, la première fois que j'ai vu un nègre à la télé, c'était un mec qui s'appelait Roberto Blanco, qui chantait de la variété allemande, ouais. Et là je me suis arrêté tout seul, parce que moi aussi il m'a posé un problème, ouais. Je me suis dit, pourquoi est-ce que j'ai écrit nègre? Et là je me suis rendu compte que je l'ai parce fait... Parce que c'était pas vous qui écriviez, c'était quelqu'un d'autre. Oui, mais je l'ai fait par mimétisme. Ouais. Tout simplement pour des auteurs et des penseurs dont mon père était fan, qui était Senghor, qui était Aimé Césaire, qui ont ramené ce terme dans le lexique courant. Et alors, j'ai commencé à me poser plein de questions sur le mot. Et je me suis arrêté sur le constat suivant. Je me suis rendu compte qu'en France, je ne sais pas si c'est le cas en Belgique, mais quand on demande à un blanc de parler d'un noir, il dit, bien sûr, il ne dit pas nègre, mais il ne dit pas noir non plus. Il dit un black. Ouais. Mm-hmm. Là, je me suis dit, mince, on est un petit peu dans la merde, parce que ça veut dire que dans le berceau même de la langue française, le substantif qui sert à désigner un homme de ma couleur ou une personne de ma couleur doit être un mot en anglais. Parce que c'est moins connoté, peut-être. Pourquoi on ne dirait pas simplement un homme? Oui. Oh, parce que ça dit rien sur la personne, ça dit tout et rien. J'aimerais bien qu'on puisse juste dire, quand vous parlez d'un mec que vous avez rencontré dans la rue, qu'on vous demande de le décrire, vous dites, bah, c'est un homme. Ouais. Je crois que c'est une façon de cacher nos vieilles idées racistes et tout ce qu'on a eu, comme aux États-Unis où c'est encore pire, le N-word. Le N-word, il est différent. Le N-word, le nigger, c'est un mot qui a été inventé pendant l'esclavage pour désigner l'esclave. Mmh. Alors que le nègre existait bien avant l'esclavage. C'est juste comme ça qu'on désignait l'homme noir d'Afrique subsaharienne. Et puis arrive l'esclavage, puis tout d'un coup, il a toute cette connotation-là. Puis après, il y a tout un échange entre mon père et moi où on parle de ce mot-là, justement, ouais. Où on se demande s'il doit être intégré dans le langage courant ou pas. Il est porteur de tellement de chagrin. Mais en même temps, il indique bien qu'il y a un malaise à être un noir... et à avoir un noir devant soi aussi. Mmh. Et que c'est ce tabou-là qu'il faut peut-être essayer de briser et que ça va peut-être nous libérer tous, justement, de ce passé. Parler de libération, est-ce qu'après avoir écrit ce bouquin, vous faites une dédicace d'ailleurs à votre femme, c'est une manière pour vous d'être libéré, de transmettre à vos enfants votre histoire? Oui, parce que j'ai écrit des choses qui ont été très très dures à raconter. Et d'ailleurs, en interview, bon là, on fait de la radio, donc on a un peu plus de temps, mais en interview à la télé, quand on me demande de raconter encore une fois ce que j'ai écrit, je dis, justement, je l'ai écrit, c'est très dur à dire. Lisez. Lisez. Ouais. C'est beaucoup plus facile à écrire qu'à dire. Mmh. Et à mes propres enfants aussi, je pense que j'appréhende un petit peu le moment où je vais devoir leur parler de mon histoire en détail. J'en ai un petit peu parlé à mon fils quand il avait 4 ans, qui m'a d'ailleurs dit une histoire, qui m'a donné une réponse absolument géniale, parce que quand je lui ai dit, ouais papa, tu sais, a perdu sa famille, il y a des méchants qui sont venus chez lui, ils ont tiré sur tout le monde, papa s'en est sorti en se cachant derrière un canapé, puis lui il m'a juste dit, papa t'es chanceux, t'as eu beaucoup de chance, parce que si tu n'avais pas survécu, bah, moi je serais pas là non plus. Ouais. Mais un jour, voilà, j'appréhende ce moment, parce que je ne sais pas si je vais avoir les mots pour le dire, mais je sais que l'écrire a été possible et qu'il sera possible pour eux de lire. Corneille soulagé du coup? très soulagé. Très soulagé parce que j'ai l'impression de m'être expliqué, parce que j'ai vécu dans l'œil du public avec une histoire à moitié racontée, et que forcément, ça laissait lieu à de l'interprétation. Je me rendais bien compte que les gens devaient se dire, mais c'est quand même étrange de vivre tout ça, puis de continuer, de rester debout, de continuer à sourire. J'avais aussi besoin d'expliquer l'humain qui était derrière ce personnage. Alors, c'est une émission un peu particulière. J'avais vraiment envie de vous inviter pour parler de ce sujet qui nous touche et qui nous a tous touchés. Je voudrais terminer sur une note positive avec cette chanson qui a été le début pour vous du succès. Parce qu'on vient de loin. Oui. Parce que... Attention. Alors là, j'ai Béziers dans la tête. Ça va être compliqué. Ah, attention. On va vous aider. Attention, regardez-moi. Attention, je vais faire comme Mesmer. Vous avez oublié Béziers. Ah, c'est bon. Voilà, c'est bon. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Voilà, papa. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez combien de fois la fin du monde nous a frôlé. Oh, alors on vit chaque jour comme le dernier. Parce qu'on vient de loin. Corneille était notre invité aujourd'hui. Ravi d'avoir passé cette heure avec vous et cette heure et demie avec nos auditeurs. Presque sérieusement, émission un peu spéciale. On avait envie de vous découvrir et de découvrir votre histoire qui a touché pas mal de monde. En tout cas, merci à vous, Corneille, d'avoir joué le jeu. Merci à d'être presque sérieux. Là où le soleil disparaît, votre autobiographie aux éditions XO. Je vous encourage à vous le procurer, à vous procurer cette autobiographie où vous parlez de vous et où vous vous mettez à nu. On vous découvre autrement qu'à travers la chanson. Vous le disiez, en 3 minutes, on ne peut pas tout raconter, mais là, bien, il y a tout Corneille. On se sent beaucoup plus léger, ça nous a fait très plaisir de vous avoir avec nous. Merci Corneille, merci Cynthia Izarali. Au revoir. Merci Manu Di Pietro. Merci Edith. Merci Florence Mendez. Au revoir. Merci Raoul Reyers. Merci. Et merci Vincent Filussier. Je veux dire que le dernier chapitre du livre de Corneille s'appelle Racine, j'imagine que c'est voulu. Ouais, voilà. Merci, on se retrouve nous ce week-end, samedi, dimanche, 16h, 17h30 pour le best-of. Et puis dès lundi, nous serons de retour pour passer une nouvelle semaine presque sérieuse avec vous. D'ici là, portez-vous bien, rendez-vous avec Arnaud Roussel tout de suite pour Soir Première. Tiens, hier, Madame Carlier est venue me trouver dans le magasin. Je lui dis, toi, Sylvie, tu as besoin d'un bon conseil vin pour ce soir. Elle m'a dit, Pierre, tu sais toujours de quoi j'ai besoin. Et c'est vrai, hein, chez Spar, nous connaissons bien nos clients. Nos entrepreneurs Spar ont toujours de belles offres pour leurs clients. Jusqu'au 2 novembre chez Spar, vous profitez ainsi de 25% de réduction sur 25 vins. Infos et conditions en magasin. Spar Colruyt Group, toujours avantageux. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Tritop Asset Management présente les pourquoi. Pourquoi est-il si difficile de faire le premier pas en bourse? La bourse, c'est compliqué, la bourse, c'est risqué, la bourse fait peur. C'est vrai, surtout si on se lance seul. Pourtant, Tritop est convaincu que tout le monde mérite de profiter de l'évolution de la bourse mondiale. C'est pourquoi nous vous offrons 500 euros de bonus sur votre premier investissement de 10 000 euros. De quoi vous aider à faire le premier pas. Pour plus d'infos, follow Jack sur tritopam.com. Offre soumise à conditions et réservée aux nouveaux clients. La première présente Mineurs aujourd'hui dans le monde. 8 août 1956, 262 hommes perdent la vie à Marcinelle, la mine du 21e siècle à terre.